Pamela Bisson avec vous aujourd'hui jusqu'à 17h30. Je vous le disais plus tôt dans l'émission, cette semaine, c'est la semaine de la santé mentale du 3 au 9 mai. C'est pourquoi j'avais envie de parler d'un organisme à Québec qui se dédie à la rencontre entre la santé mentale et les arts d'une certaine façon. Sur leur site, ils présentent ça en disant que les objectifs et préoccupations de Folie Culture vont d'une part vers la réalisation de projets interdisciplinaires en arts et d'autre part vers la sensibilisation en santé mentale et plus précisément, dans la rencontre entre ces deux aspects. Alors, en ce moment, il y a une exposition proposée par Folie Culture de marionnettes qui sont issues d'un atelier animé par Anne-Marie Cardin et sa collègue. On va rencontrer Anne-Marie Cardin pour en parler plus en détail. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Pamela et bonjour tous les auditeurs et auditrices. Oui, alors c'est cet hiver qu'avait lieu cet atelier de marionnettes. Oui, c'est ça. Pendant 8 semaines, au mois de février et mars, on s'est rencontrés tous les lundis après-midi via Zoom. On était motivés, déterminés, créateurs et on a réussi à accoucher, chacun a accouché d'un être spécial, un personnage marionnette. Et on est très fiers de l'avoir réussi. Alors, cet atelier qui était offert par vous-même, Anne-Marie Cardin et Aude Chaumaz. Oui, c'est exact. C'est-à-dire que vous êtes des artistes de la marionnette? Ben moi, personnellement, j'ai ma compagnie Anne Marionnette depuis 7 ans. Alors, j'anime des ateliers pour enfants, pour adultes. J'ai aussi monté quelques spectacles. Donc, moi, je pratique la marionnette depuis... On peut dire depuis toujours aussi, puisque mon grand-père marionnettiste tchèque m'a initié à la marionnette dans mon jeune temps, donc dans mon enfance. Et puis Aude Chaumaz est une artiste multidisciplinaire aussi qui est passionnée des marionnettes. Donc on s'est dit qu'ensemble on formerait le bon duo pour accompagner nos initiés à la création d'une marionnette à fil. Alors, les participants à cet atelier, ce sont des membres de l'organisme Folie Culture qui ont eu l'intérêt ou l'appel de fabriquer des marionnettes avec vous. Et là, vous me dites, ça s'est passé sur Zoom, comment chacun avec son matériel spécifique à la maison. Oui, ben c'est sûr que là, vu que c'est le modèle qu'on a choisi, c'est quand même plus sophistiqué là, avec bouchons de liège précoupés. Il y a eu tout un assemblage à faire avec des matériaux évidemment qu'on peut trouver à la maison, sauf que pour disons faciliter la création puis disons pas perdre de temps, on a préparé des petits paquets qu'on est allé livrer chez chacun et chacune. On les a accompagnés, donc on a tout fourni, les outils, le matériel nécessaire, la peinture, la couture, les tissus et tout ça. Donc c'était vraiment clé en main. C'est super chouette. Et combien de participants il y avait environ? Combien de marionnettes on peut voir dans cette exposition? Alors, on était 7 participants et sur les 7, il y avait 3 personnes qui venaient de l'extérieur de Québec, de Magog et de Montréal. Donc, dans l'exposition actuelle, nous avons 5 marionnettes puisque Aude Chaumaz aussi s'est lancée dans la création de son personnage. Alors, on a 5 marionnettes qui sont installées là, dans la vitrine de Folie Culture et ils sont, disons, placés dans un univers miniature avec des petits objets, des petits accessoires. Alors, c'est tout mignon là, à voir. Là, on les sent déjà bien vivants. Alors, quand vous irez faire vos promenades dans le quartier Saint-Roch, allez jusqu'au 880 rue du Roi pour découvrir la vitrine de Folie Culture et ses belles marionnettes. Ce sont des marionnettes à fil, à tringle, à gaine. Oui, c'est ça, à fil. Alors, c'est vraiment là, la méthode, moi, que j'enseigne le plus parce que je trouve ça élégant, je trouve ça impressionnant aussi de voir que c'est un personnage qui se tient toute seule. On joue avec le jeu de l'illusion. Donc, tu sais, elles ont toute leur partie du corps, de la tête aux pieds. Et moi, c'est ce que je préfère. Alors, cette fois-ci, justement, on m'a choisi pour animer cet atelier-là. Et sinon, j'enseigne aussi la fabrication de marionnettes à tringle, donc avec une tige de métal là, qui passe dans la tête. Et d'autres formules aussi, des marionnettes à gueule, des marionnettes à prise directe. Donc, toutes les formes, mais je dirais que celle qui est la plus difficile, peut-être, c'est la marionnette à fil. Alors, c'était vraiment un beau défi pour chacun et chacune là, d'avoir participé. pied. Là. Pour arriver à articuler finalement toutes les parties du corps, c'est là la difficulté, j'imagine? Oui, il y a plusieurs étapes qui étaient difficiles. Là, on parle de... Tu sais, la marionnette, c'est quand même un art multidisciplinaire. Alors, on peut retrouver là, toutes sortes d'arts manuels comme le modelage, la menuiserie, la couture... la peinture, donc puis après ça évidemment il y a l'animation de cette marionnette là, donc on parle de l'écriture, on parle même peut-être de musique puisque la musique ça prête bien au théâtre de marionnettes. Malheureusement on s'est pas rendu jusque là puisque bon avec les mesures actuelles on ne pouvait pas se rassembler puis faire notre vernissage là officiel comme on aurait espéré. Mais j'imagine que chacun chez soi, avec leur famille, leurs amis, vont pouvoir quand même animer leur marionnette, la faire parler, s'exprimer, puis faire vivre des émotions là à tout le monde. Et là, évidemment, on parle bien d'adultes. Les participants, c'était des adultes qui ont participé à cet atelier. Qu'est-ce qui ressort de leur expérience? Est-ce que vous avez des anecdotes marquantes? Je dirais que on a quand même eu beaucoup d'échanges malgré qu'on était sur Zoom. Oui, des anecdotes, hein, mon Dieu. C'était drôle, disons, il y en a une un moment donné qui a fait une jupe puis une grande robe à sa marionnette. Puis là je disais, ah ok, mais est-ce que, tu sais, à cause qu'elle voulait pas finir les pieds, elle dit, ah, mais de toute façon, on verra pas en sa robe. J'ai dit, ah non, on verra pas en sa robe. Elle va pas enlever sa robe un moment donné. Elle va pas lever sa robe. Là, elle voulait prendre un raccourci. Ben, je sais pas. Ouais, c'est ça, t'sais. Ah ben peut-être, ouais, on sait pas dans son histoire. Est-ce que la marionnette veut peut-être enlever sa robe à un moment donné, tu sais? On est dans les adultes, là, tu sais, il peut arriver toutes sortes de choses, là. Surtout quand on improvise, là, tu sais, à un moment donné, la marionnette que tu manipules, tout d'un coup, on vient dans une espèce de flow là, d'improvisation, puis non, tu te rends compte qu'elle agit tout seule, là, tu sais, fait que des fois, elle va faire des choses que tu n'avais pas nécessairement prévues. Donc, j'ai dit, non, tu vas finir tes pieds, puis on va peut-être se risquer à ce que la marionnette laisse sa jupe. J'imagine que vous avez déjà animé des ateliers de ce type-là avec des enfants, avec le jeune public. Est-ce que c'est plus facile, plus difficile d'animer un atelier comme ça avec des adultes? Probablement que c'est plus difficile avec les adultes. Là, je dis probablement parce que c'est très variable. Je donne beaucoup d'ateliers pour les enfants là, dans les écoles. Les enfants vont travailler beaucoup plus rapidement. Puis la confiance, elle est comme omniprésente. Donc, ils vont le faire. Puis on les encourage un peu. Puis ils vont y arriver. T'sais. Les adultes, la confiance, c'est pas évident. C'est un combat. Souvent créer, même moi personnellement, quand je fais une création, une nouvelle marionnette, même le feeling est pas super agréable des fois parce qu'on se met tellement de pression, on est perfectionniste, on veut pas faire quelque chose de croche. Mais moi je leur dis toujours, ben, c'est l'ensemble des détails qui va mener à un résultat extraordinaire. Donc si ton œil est pas tout à fait beau, il est pas égal à l'autre, ou si finalement t'as oublié de faire une petite retouche, pas grave, parce que finalement on va l'habiller, on va y mettre des cheveux, on va y mettre un chapeau, on va l'animer aussi. Donc tout l'ensemble des détails, s'ils sont tous imparfaits, le tout finit par être parfait. Il faut pas abandonner, non, c'est ça. Fait que c'est un grand travail de détermination. Puis souvent on a laissé de côté un peu notre, quand on est rendu adulte, notre espèce de laisser aller, d'abandon, c'est-à-dire abandon de soi. OK, on y va, on va laisser parler la matière, je vais me faire confiance, je vais attendre aux résultats. Donc, on se juge beaucoup, on trouve ça long, on trouve ça dur, mais alors que l'enfant, il est comme habitué d'être dans cet univers-là, de tout le temps un peu de créer quelque chose, puis bon, pas trop s'auto-juger, là. Je pense qu'on apprend à se juger avec le temps, là, malheureusement, mais c'est un beau lâcher-prise quand même de faire une marionnette parce qu'ils sont tous et toutes vraiment fière d'eux, puis moi je suis vraiment fière. En tout cas, vous irez voir l'exposition, c'est impressionnant. On est dans le réalisme, on est dans le fantastique, on est dans des personnages connus, des personnages inconnus. C'est vraiment quelque chose. Alors, l'exposition est présentée dans la vitrine de Folie Culture jusqu'au 10 mai. Manquez pas ça, il va faire beau dans les prochains jours. Allez vous promener. Merci beaucoup, Anne-Marie Cardin, pour de nous avoir présenté l'exposition et pour avoir initié ces adultes à l'art de la marionnette. Ah, ben c'était vraiment un bonheur. Puis ben merci de votre appel. Puis peut-être que on aura un autre atelier l'année prochaine avec Polyculture ou avec une autre organisme ou même avec tout simplement mon théâtre Anne-Marionnette. Alors on va rester à l'affût parce que moi je trouve ça très intéressant. Merci beaucoup, Anne-Marie Cardin. Merveilleux. Bye bye. Au revoir tout le monde.